L'amour d'une mère est une chose irremplaçable. Ceux qui ne l'ont jamais connue vivront incomplètement. Parfois, cet amour peut être un peu envahissant, possessif, jaloux, castrateur, diront les psychiatres. Il peut aller au-delà du possible. Nous sommes en Bretagne il y a une dizaine d'années. La petite paroisse est tout émue. L'évêque vient enfin de se décider à nommer un nouveau curé. Cela fait au moins 10 ans que les catholiques sont obligés d'aller faire leur dévotion au village voisin, à plus de 10 kilomètres. Les jeunes avec leur voiture, ça va encore. Les gens âgés sont obligés de compter les uns sur les autres. Le boulanger est le plus amer. Autrefois, à chaque fête carillonnée, cela donnait un coup de fouet à mon commerce avec les gâteaux. Maintenant, les paroissiens achètent tout ça à Glémor. Alors espérons que la réouverture de l'église au culte va redonner du cœur à mon commerce. L'abbé François Le Dantec est breton, mais il vient du sud du Morbihan et ne connaît pas du tout la région. Il est sympathique et on l'a vite adopté. Il s'inquiète des habitants du domaine qui nichent dans la forêt auprès d'un étang un peu inquiétant. « Oh, ce sont les châtelains des Genêts Noirs. Ils ne sont pas très intéressés par la religion. Mais vous aurez bien l'occasion de les voir à l'occasion. Ils viennent au comice agricole. » Un soir d'automne, à la nuit tombée, le village est tout endormi, les petites ruelles sont noyées de brouillard, et quelqu'un sonne à la porte du presbytère. François Le Dantec va ouvrir et se trouve face à face avec une dame à cheveux blancs, élégante mais sans ostentation. Elle est vêtue d'un tailleur de très bonne qualité, s'appuie sur une fine canne à pommeau d'or, ses chaussures sont de toute évidence signés d'un très bon faiseur. François Le Dantec se dit, cette personne est venue jusqu'ici en voiture, pas une trace de boue sur ses chaussures. Elle n'a pas dû faire 3 pas dans la rue. Il jette un bref coup d'œil au dehors, mais n'aperçoit pas l'ombre d'un véhicule. D'ailleurs, il n'a pas entendu de moteur. Sans doute cette dame possède-t-elle un chauffeur qui attend sur la place de l'église. Bonsoir, madame. Je suis le nouveau prêtre de la paroisse, l'abbé François Le Dantec. La dame entre comme en glissant sur le sol. Oui, je sais. Je suis la marquise du Faret. J'habite au manoir des Genêts Noirs. Mais entrez donc, asseyez-vous, je vous en prie. On voudrait bien excuser l'inconfort de la cure, mais pour l'instant, je dois me contenter du strict minimum. Les deniers du culte ont mieux à faire que d'améliorer mon mobilier. La marquise du Faret prend place sur l'unique fauteuil de paille cannée. L'abbé s'assied devant elle sur un petit tabouret. « Que puis-je faire pour vous ? Étant donné l'heure tardive, de quoi s'agit-il ? Monsieur l'abbé, si je viens vous voir, c'est à cause de mon fils. Et j'ai un grand service à vous demander. » Le visage de la marquise devient un peu terreux, presque livide. L'abbé, avec un petit sourire, dit « Votre fils ?»« Ah oui, on m'a parlé de lui. Si j'en crois la rumeur publique, il ne faut pas trop compter sur sa visite à l'église. Il serait un peu, disons, indifférent aux choses de la religion. » La marquise ne semble pas entendre cette remarque un peu ironique. « Mon fils est un grand sportif, robuste, taillé en armoire à glace comme son père. Il a la tête près du bonnet, je suis inquiète. Il a une nouvelle folie en tête. Vous savez ces petits appareils volants à moteur ?» Vous voulez dire les ULM. ULM, oui, je crois. C'est ainsi, l'ultra léger moteur. Effectivement, quand je vois ces jeunes gens s'élancer depuis la falaise du Creux du Diable, je les envie un peu. C'est peut-être une sensation grisante d'être seul au-dessus des vagues. Ils parviennent même à suivre les mouettes dans leur vol. Et vous ne connaissez pas mon fils Jean-Yves. Il ne se contente pas d'utiliser les modèles classiques en suivant les règles. C'est un passionné. Il veut toujours inventer des nouveautés, faire des essais, des acrobaties. J'ai beau lui dire d'être plus raisonnable, mais rien n'y fait, il ne veut rien entendre. La marquise semble de plus en plus fatiguée. Elle a du mal à retrouver son souffle. Dans une semaine, Jean-Yves a organisé une réunion de, comme vous dites, du LM. Il mijote quelque chose, un nouveau type d'appareil qu'il a construit en secret dans les dépendances du manoir. Il veut, comme il dit, leur en mettre plein la vue. Je suis venu vous demander d'intervenir pour qu'il renonce à cette démonstration. Son appareil n'est pas au point, il va se tuer. Oh, chère madame, toutes les mères du monde s'inquiètent quand leurs enfants prennent des risques. Bien sûr, ces petites machines volantes semblent à peine capables de soutenir un homme en vol, mais je crois que vous vous inquiétez à tort. Je suis certain que votre fils est très capable de mesurer les risques. La marquise interrompt l'abbé. Non. Je sais, je suis certaine que mon fils va se tuer dans une semaine quand il voudra faire sa démonstration. Et elle ponctue sa phrase d'un coup de canne sur le sol. François le Dantec voit le geste de la canne, mais il n'entend pas le bruit du choc sur le carrelage. « Eh bien, chère madame, j'irai dès demain vous rendre visite. Cela me fera une occasion de faire la connaissance d'un de mes paroissiens les plus en vue, et peut-être cela lui redonnera-t-il le goût de la messe. Dans la chapelle, les tombes de vos ancêtres sont en bonne place, mais les plaques qui marquent vos prie-dieux sont devenues un peu ternes. Ne pourriez-vous lui rendre visite dès ce soir ? Demain matin, il a prévu un essai sur sa machine. L'abbé objecte que l'heure est bien tardive pour aller jusqu'au manoir des Genêts Noirs. Oh, allez-y maintenant, je vous en conjure. Sinon, il va se tuer. Elle joint brusquement les deux mains dans un geste de supplication. À son annulaire droit, une fine chevalière ornée d'un blason jette un éclat presque fulgurant. François le Dantec accepte de faire cette visite. Il va jusqu'au porte-manteau pour y prendre sa pèlerine noire et son béret. Après tout, si la marquise insiste, elle va sans doute lui proposer de l'emmener jusqu'au manoir. Quand l'abbé se retourne, la marquise a disparu, sans faire le moindre bruit. L'abbé reste un instant interloqué. Eh bien, voilà une dame qui ne manque pas d'autorité. Elle ne sait pas qu'il y a eu la révolution. Enfin, maintenant que je suis habillé, allons jusqu'au manoir. Au manoir des Genêts, c'est une vieille femme en coiffe blanche qui ouvre la porte. L'abbé se présente et demande à voir Monsieur Jean-Yves Dufaret. Le voici qui arrive. Ah, c'est vous le nouveau cure-ton. Ravi de vous connaître. Entrez donc. Que diriez-vous d'un petit verre de chouchène ? J'en ai du fameux, et ça m'ennuie de boire en Suisse. Jean-Yves Dufaret, à la quarantaine joviale et moustachu, un sourire désarmant et l'accueil chaleureux. Après quelques propos à bâton rompu, François le Dantec, l'abbé, se décide à aborder le sujet du sport. On m'a dit que vous mettiez au point un tout nouveau type d'ULM. C'est bien comme ça qu'on dit. Que vous aviez l'intention d'en faire la démonstration au meeting de dimanche en 8, et même que dès demain matin, vous alliez faire une petite sortie depuis la falaise du Saut du Diable. Jean-Yves le Dantec cesse soudain de rire. Il fronce les sourcils et semble perplexe. « Non, mais dites-moi, l'abbé, ça c'est plus fort que Joe Bouchon. Qui a bien pu vous renseigner ? Je travaille sur mon nouvel appareil dans le plus grand secret depuis 3 ans. Personne n'est au courant. Et ce n'est pas Anne, ma vieille gouvernante, qui aurait pu vous en parler. Depuis que je peaufine mon projet, elle ne veut plus entrer dans mon atelier. Elle fait des signes de croix quand elle passe devant la porte. Et alors là, expliquez-moi un peu comment vous savez que je dois faire une sortie demain matin. Je l'ai décidé il y a à peine 2 heures. Est-ce que vous lisez l'avenir dans vos bénitiers ? » La belle Dantec rit franchement devant cette sortie. « Mon cher monsieur, vous devez bien vous douter de la source de mes informations. C'est votre maman. Elle sort pratiquement de chez moi. Elle m'a tout expliqué et elle a beaucoup insisté pour que je vienne vous voir à cette heure tardive. » Pour vous dissuader de faire votre essai. Sinon, croyez bien que j'aurais choisi un moment plus convenable pour vous faire une visite protocolaire. Comment ça, ma mère ? Ce n'est certainement pas ma mère qui est venue vous voir, pour une raison bien simple, elle est morte depuis 10 ans. D'ailleurs, sa tombe est dans l'enclos paroissial. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Écoutez, il y a à peine une heure, une femme qui pouvait avoir dans les 65 ans, vêtue d'un tailleur en tweed beige et gris, très élégante, est venue à la cure. Elle marchait en s'appuyant sur une très jolie canne ornée d'un pommeau doré. Peut-être était-ce bien de l'or, d'ailleurs. Jean-Yves Le Dantec bondit de son fauteuil. Il court jusqu'aux portes parapluies qui se trouvent dans le vestibule. Une canne à pommeau d'or, c'est celle-là. Oui, effectivement. Il me semble bien que c'est celle-là. Il y a 10 ans qu'elle est là, à l'endroit même où ma mère l'a déposée avant de tomber morte dans le vestibule. Quelqu'un a trompé votre bonne foi. Quelqu'un a osé venir vous voir en se faisant passer pour ma mère. Mais je saurai qui c'est. Oh, je sais que mes concurrents sont prêts à tout pour me décourager. Ils ont trop peur de ma réussite. Mais enfin de là, se faire passer pour ma défunte mère, ah, il ne manque pas d'air. L'abbé ne sait plus trop que dire. En tout cas, la personne que j'ai reçue n'avait de toute évidence qu'une idée en tête, vous protéger. Je revois encore le geste qu'elle a fait en joignant les mains. Sa chevalière en or s'est mise à briller sous la lampe d'un éclat vraiment très fort. Une chevalière comme celle que vous portez au petit doigt. Eh bien justement, cette chevalière, c'est celle de ma défunte mère. Bon, l'abbé, excusez-moi, je vous remercie de votre démarche, mais toute cette histoire me tape un peu sur les nerfs. Je vous raccompagne jusqu'à la grille, vous n'allez pas vous perdre. Nous nous reverrons à l'occasion, et merci de votre visite. Malgré la politesse des propos, le ton de Jean-Yves Dufaret a perdu toute cordialité. Au village, le lendemain, on confirme bien que la marquise est morte depuis 10 ans. La tombe, soigneusement entretenue, est là, dans l'enclos paroissial. L'abbé Le Dantec est en train de la contempler quand on l'appelle. « Monsieur l'abbé ! Monsieur l'abbé !» Un malheur est arrivé. Le marquis Dufaret. Il vient de se tuer en essayant son nouvel engin. Oh, il est bien parti du saut du diable. Et puis son truc, ça, il s'est plié en deux. Ceux qui connaissent disent qu'il s'est mis en portefeuille. Il est tombé tout droit. Mort sur le coup.